بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue avec quelques commentaires et la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid, la parole bénéfique dans les preuves du Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi hafidhahu Allah ta'ala. Durant le dernier cours, on s'était arrêté où exactement? Manière de cours. On n'avait pas commencé. Très bien. قال المؤلف احذروا البدع في الدين. Prenez garde aux innovations dans la religion. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرجه مسلم في كتاب الجمعة والنسائي والزيادتان اللتان بين معكوفتين له أي للنسائي. تفكر يا أخي المسلم في هذين الحديثين الصحيحين النبوين الشريفين اللذين خرج من مشكات النبوة وأمعن النظر فيهما تجدهما شفاء لك إن شاء الله من كل بدعة أحدثت في دين الله. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم على كل بدعة بأنها ضلالة ولم يقل بعض وبعض وإنما قال كل وكل يا أخي من ألفاظ العموم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود ولم يقل على حسب نية صاحبه بل حكم عليه بأنه رد. فإذا قال قائل ليس كل بدعة ضلالة وليس كل ضلالة وليس كل عمل أحدث في الدين فهو مردود فقل له من أعلم أنت أم رسول الله ومن أتقى لله أنت أم رسول الله. فإن قال بصريح هذين الحديثين واعتقدهما وعمل بما فيهما فذاك. Donc prenez garde à l'innovation dans la religion. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui innove dans notre commandement ce qui n'en fait pas partie est rejeté. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, « Celui qui fait un acte sans qu'il n'y ait dans celui-ci notre commandement est rejeté. » Et le second hadith que le Cheikh Hafidhahullah utilise pour prouver la mise en garde de l'innovation dans la religion est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il faisait un sermon ou lorsqu'il faisait une exhortation, il disait puis ensuite la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure voix est la voix de Muhammad et les pires des choses sont celles qui sont innovées et toute innovation et toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement et en enfer. Puis le Cheikh Hafidhahullah dit « Réfléchis donc, ô frères musulmans. Réfléchis donc et médite ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux hadiths authentiques qui sortent du cœur de la prophétie et redouble d'attention sur ces deux hadiths et tu verras que tu y trouveras la guérison par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toute innovation qui a été innovée dans la religion d'Allah. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que toute innovation est égarement. Et il n'a pas dit certaines leçons, d'autres leçons pas, mais il a dit toutes. Et le terme « kul » est un mot qui englobe toute chose. Lorsque l'on dit « toute innovation », c'est-à-dire « toute innovation », quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nature. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « celui qui fait un acte sans qu'il n'y ait dans celui-ci notre commandement » et rejeter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rejeter. S'il n'a pas dit, il est rejeté en fonction de l'intention de celui qui l'a fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon catégorique, a considéré cet acte comme rejeté, c'est-à-dire non accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si une personne venait à te dire non, toutes les innovations ne sont pas égarement. Et tout acte innové dans la religion n'est pas rejeté. Alors dis-lui, qui est plus savant, toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soit cette personne qui dit de telles paroles revient et prend en compte les deux hadiths cités précédemment et les met en pratique, sinon... وإن كان لا يزال مصرا على قوله الأول بأنه ليس كل بدعة ضلالة وليس كل أمر محدث في الدين مردودا فقل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم في شق يقول كل بدعة ضلالة ويقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وأنت في الشق الآخر تقول ليس كل بدعة ضلالة وليس كل محدثة في الدين مردودة فقل له هذه منك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وذكره بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم توفنا على الكتاب والسنة ونجنا من البدع كلها يا رب العالمين فائدة قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Soit il met en pratique et admet que ces deux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs, ou bien alors cette personne persiste dans sa parole qui est de dire que toute innovation dans la religion n'est pas égarement et que tout acte innové dans la religion n'est pas rejeté. Si il persiste dans sa parole, alors dis-lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté dit toute innovation est égarement, et il dit sallallahu alayhi wa sallam tout acte fait ou accompli sans notre commandement est rejeté, et toi tu es dans l'autre bord et tu dis que toute innovation n'est pas égarement et que tout acte accompli innové dans la religion n'est pas rejeté, et dis-lui ensuite que ceci est de ta part une scission envers le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, autrement dit une désobéissance, autrement dit il contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas sa voie, et rappelle-lui la parole d'Allah azza wa jal, et quiconque fait scission au prophète sallallahu alayhi wa sallam après que la guidée lui ait été montrée et suit une voie différente de la voie des croyants, alors nuwallihi ma tawalla, alors nous le mettront face à ce qu'il a choisi, wa nusrihi jahannam, et nous le ferons entrer en enfer, et quelle mauvaise destination. Puis le cheikh hafidhahullah fait une invocation en demandant à Allah azza wa jalla de nous faire mourir dans le livre d'Allah conformément, de mourir tout en étant en conformité avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous préserver de toute innovation au Seigneur des mondes. Et il cite la parole de l'imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Madarij al-Salikin lorsqu'il dit rahimahullah que les innovations évoluent de la petite vers la grande jusqu'à retirer la personne de la religion, al-ayyadu billah, comme l'on retire un cheveu d'une patte, comme l'on retire un cheveu d'une patte. Ainsi, les méfaits de l'innovation ne les connaît que ceux qui ont une science approfondie. Et quant aux aveugles égarés, ils restent dans les ténèbres de leur aveuglement et ils ont une part de la parole d'Allah Azza wa Jal, et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Car on l'a dit la dernière fois que ceux qui innovent dans la religion pensent être dans le bien. Ils pensent être dans le bien et ils pensent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers leur innovation. C'est pour cela que l'innovation est plus grave que les péchés et plus grave que les grands péchés, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, car celui qui fait un grand péché, il sait qu'il est fautif, il sait qu'il commet une erreur et qu'il sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne qui désobéit à Allah azza wa jal, eh bien pense à se repentir, même si elle ne le fait pas dans l'immédiat, mais en tout cas, elle y songe dans un futur proche ou dans un futur plus lointain. Elle sent que et elle ressent qu'elle est fautive. Quant à celui qui innove, eh bien, il considère que ce qu'il fait est bien et que ce qu'il fait comme adoration innovée est ce que l'islam lui demande de faire. Donc, il ne songe même pas à arrêter ou ne serait-ce même qu'à se remettre en question. Ainsi, il faut prendre garde à l'innovation, car comme le dit l'imam al-Qayyim rahimahullah, on commence par les petites innovations et on termine par les grandes qui font sortir les personnes de l'innovation. Et une preuve de cela est une histoire que vous connaissez tous de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est entré dans la mosquée et qu'il a vu ces personnes formant des cercles, à la tête de chaque cercle, une personne qui disait « Sabbihou mi'a fa yusabbihoun » Kabbirou mi'a fa yukabbirun, dites subhanallah 100 fois, il disait subhanallah 100 fois, dites Allahu Akbar 100 fois, il disait Allahu Akbar 100 fois, etc. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a condamné cela et leur a dit, comme votre perdition arrive à grands pas, les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas encore usés, la vaisselle de laquelle qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore cassée, et ses compagnons sont présents parmi vous, autrement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort il n'y avait pas si longtemps que cela. Et ils avaient déjà commencé à faire des innovations dans la religion. Et il leur a dit, radiyallahu anhu, imma nakum ala hudan ou ala tariqin ahda min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa imma nakum fatihu babi dhalala. Soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous innovez et une forme d'adoration que n'a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc vous sous-entendez même de façon indirecte que vous adorez Allah azza wa jal d'une façon nouvelle, d'une façon meilleure que celle que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Et bien sûr, la réalité est la deuxième parole qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Al-Shahid, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Abdullah ibn Mas'ud a dit, et ces personnes-là ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Nahrawan. Lorsque les Khawarij ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien ces personnes-là qui faisaient ces innovations en faisaient partie. Donc ils ont commencé par une petite innovation qui est de faire le tasbih, le takbir dans une mosquée avec une ambiance de spiritualité, etc., etc. Et cela les a amenés à tuer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى حكم بناء القباب والمشاهد على القبور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أخرجه مسلم وعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي لفظ آخر لمسلم ولا سورة إلا طمستها أخرجه مسلم قلت يؤخذ من هذين الحديثين ما يلي تحريم البناء على القبور وثانيا تحريم تجصيصها وثالثا تحريم القعود عليها رابعا تحريم تصوير ذوات الأرواح خامسا وجوب طمس صور ذوات الأرواح سادسا وجوب هدم ما يبنى على القبور أكثر من شبر. Puis le Cheikh حفظه الله تعالى ouvre le chapitre du jugement de construire des mausolées ou des monuments au-dessus des tombes. Première preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre une tombe, ou que l'on s'assied dessus, ou que l'on construise par-dessus, apporté par Muslim dans son Sahih. Et le second hadith est le hadith d'Abil Hiyaj al-Asadi, qui dit que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lui a dit: veux-tu que je t'envoie pour ce à quoi m'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas laisser une statue sans la détruire et de ne pas laisser une tombe surélevée sans la planir. Et dans une version de Muslim, ni une image sans que tu ne la détruise, et de ne pas laisser une image sans que tu ne la détruises. Et Cheikh al-Wasabi hafidhahullahu ta'ala dit, et l'on retient de ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit: premièrement, l'interdiction de construire au-dessus d'une tombe; deuxièmement, l'interdiction de plâtrer la tombe, c'est-à-dire de construire des choses en plâtre sur celle-ci; troisièmement, l'interdiction de s'asseoir dessus; quatrièmement, l'interdiction de faire des représentations ou des photos ou des images qui représentent des choses qui sont dotées d'une âme; cinquièmement, l'obligation de détruire les images qui comportent ou qui représentent des choses ayant une âme; et sixièmement, l'obligation de détruire ce qui a été construit au-dessus d'une tombe et qui est élevé de plus d'un empan. Et on avait vu cela dans les cours de fiqh, qu'il est autorisé de surélever une tombe au maximum de un empan. C'est la limite. Alors, pensez, ce qui sépare l'extrémité du pouce à l'extrémité du majeur lorsque la main est ouverte. C'est ça l'empan. Ainsi, une tombe ne peut être surélevée du sol que la hauteur d'un empan. Ceci afin que les gens sachent que c'est une tombe, et ainsi qu'il est interdit de prier en direction de celle-ci, et qu'il est également interdit de s'asseoir dessus. Car si la tombe était au même niveau que le sol, les gens ne se rendraient pas compte et ne verraient pas de suite qu'il y a une personne enterrée en dessous. Puis, Cheikh al-Wasabi, hafidhahullah, cite un extrait de l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala dans son livre Sharh al-Sudur bi tahrimi raf'i al-qubur. Si on traduit littéralement le titre de ce livre, qui est de l'apaisement des poitrines dans l'interdiction de surélever les tombes. Où l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala rapporte diverses preuves qui sont amplement suffisantes et amplement convaincantes pour prouver l'interdiction de surélever une tombe au-dessus d'un empan. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور: وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تارة كما تقدم، وتارة قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، وذلك ثابت في الصحيح. الإمام الشوكاني رحمه الله dit: et si cela est avéré chez toi, tu sauras alors que d'élever une tombe et de construire au-dessus des mausolées, des mosquées ou des monuments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait cela, comme cela a été précédemment cité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en d'autres hadiths, que la colère d'Allah soit aggravée envers un peuple qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors invoqué contre ces personnes afin que la colère d'Allah azza wa jal soit encore plus grande de par ce péché qu'ils ont fait. Et ceci est rapporté dans un hadith authentique. Wa taratan naha an dhalik, wa taratan ba'atha man yahdimuh, wa taratan ja'ala man ja'alahu من فعل اليهود والنصارى، وتارة قال لا تتخذوا قبري وثنا، وتارة قال لا تتخذوا قبري عيدا أي موسما يجتمعون فيه. Et en d'autres hadiths, le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de surélever les tombes et de construire par-dessus. Et dans d'autres hadiths, le prophète صلى الله عليه وسلم a même envoyé des personnes pour aller détruire ce qui était construit au-dessus des tombes. Et en d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le fait de construire au-dessus des tombes comme faisant partie des actes propres aux juifs et aux chrétiens. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de ma tombe une divinité en dehors d'Allah ». Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage, un lieu de fête en lequel les gens autour de laquelle les gens se réunissent pour faire une commémoration. كما صار يفعله كثير من عباد القبور يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك ويعكفون عليها كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره ربه أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. Comme le font beaucoup de ceux qui adorent les tombes, ils font ou ils précisent ou ils réservent un moment bien précis dans lequel ils se réunissent autour de la tombe de certains morts en sacrifiant pour ceux-ci des bêtes, des offrandes, et en se rassemblant autour de la tombe, et ceci est connu des gens, que c'est ce que font ces personnes rabaissées qui ont délaissé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal qui les a créés, qui leur a donné leur subsistance, Allah azza wa jal qui les fera mourir et les fera revivre. Ils ont adoré dans cela un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui est désormais sous terre et qui ne peut ni apporter un bien ni repousser un mal. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah azza wa jal lui a ordonné de dire « Je ne peux pour moi ni un bien ni un mal. » Fanzur, كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه أن لا أنه إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وكذلك قال فيما صح عنه يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية فهو أعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررا وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به أمته كما أخبر عنه وأمره بأن يقول للناس بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وأنه لا يغني عن أخص قرابته من الله شيئا. Regarde, donc c'est toujours l'imam Shawkani rahimahullah qui parle en disant « Regarde comment le maître des êtres humains, l'élu d'Allah parmi ses créatures, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de dire qu'il ne peut pour lui-même, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pour lui-même ni un mal, ni un bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique « Ô Fatima, fille de Muhammad, je ne peux pour toi rien. Je ne peux rien t'apporter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Si ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant, à savoir qu'il ne peut pour lui-même ni un bien, ni repousser un mal. Et si ainsi est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les personnes qui lui sont les plus proches et celles qui sont les plus aimées chez lui sallallahu alayhi wa sallam, ici en l'occurrence Fatima, que dira alors des autres morts qui n'ont jamais été des prophètes épargnés, ni des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'était que des personnes faisant partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Eh bien, cette personne lambda est d'autant plus incapable d'apporter un bien ou de repousser un mal. Et comment ne peut-il pas être incapable, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était incapable d'apporter un bien ou de repousser un mal pour lui sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à en informer sa communauté, et Allah azza wa jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de proclamer cela, de dire qu'il ne peut pour lui ni apporter un bien ni repousser un mal. فيا عجبا كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة والحال أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع فيه عباد أهل القبور إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الشوكاني رحمه الله continue en disant: et comme est grand l'étonnement, comment des personnes qui ont une science aussi petite peuvent-ils espérer, ou comment ces personnes qui ont une science infime peuvent-ils espérer que une personne parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisse lui apporter un bien ou lui faire repousser un mal, alors que le prophète même de cette communauté a dit les paroles que l'on a citées. Est-ce que tes oreilles, qu'Allah te guide, ont entendu un égarement plus grand que celui-ci? C'est-à-dire l'égarement dans lequel sont tombés ceux qui adorent les morts et ceux qui sont enterrés dans leur tombe. Et il conclut, rahimahullah ta'ala, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. On actifie bihada al-qadr wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.